7h50 à Radio X. Question pour toi, Jérôme. Oui. C'est quoi le plus de pouvoir qu'un maire peut avoir? Mettons le maire le plus populaire de l'histoire de l'humanité, là, qui rentre, mettons, dans une élection municipale avec 99,9% des votes, là. Un maire qui, mettons, voudrait changer des lois, là, pour que ça marche comme il veut que ça marche. C'est où le plus loin qu'un maire comme ça peut se rendre avant de pogner un mur puis de se faire dire par du monde plus gros que lui? T'as bien beau être populaire, t'as bien beau avoir un gros mandat, mais ce que tu veux, ça se fera pas. Fait qu'arrange-toi avec tes troubles. Les syndicats, c'est le mur que tu peux pogner parce que les syndicats sont extrêmement puissants au Québec. Et c'est le mur que la bombe est en train de frapper, c'est le mur syndical. Avec le PQ comme complice, là. Parce qu'avec un gouvernement qui déciderait de mettre ses culottes au provincial, tu frapperais peut-être pas ce mur-là, mais la bombe est en train de frapper le mur de la puissance des syndicats au Québec actuellement, là. On est en train de réaliser jusqu'à quel point les syndicats amènent l'âge. Puis regarde, je pourrais quasiment même inclure la commission Charbonneau, tout ce qu'on entend depuis quelques jours avec Ken Pereira, là. Mais les syndicats dictent au PQ un peu comment gouverner, là. C'est une réalité, ça, là. C'est pas d'hier. C'est une réalité. C'est encore le cas aujourd'hui. Et on le constate. Et actuellement, c'est le mur de la toute-puissance et de la sainteté des syndicats que Régis Labeaume est en train de frapper actuellement, Denis. Des syndicats qui contrôlent les élus de la main droite et le milieu criminel de la main gauche. C'est exactement. Du monde qui emmène très large puis très qui large. Sont dans toutes les grosses sphères de pouvoir. Moi, je pense que un des hommes les plus puissants au Québec a longtemps été Henri Massé. Oui. Un des hommes, puis là c'est moins le cas parce qu'on entend toutes sortes d'histoires, mais Michel Arsenault a été un des hommes les plus puissants au Québec dans les dernières années, je suis convaincu de ça, là. Convaincu de ça. C'est ce que la bombe frappe comme mur actuellement, là. Dans une entrevue qu'il nous a donnée hier matin exclusivement et qui est reprise à grandeur de la province dans les journaux de ce matin, Régis Labeaume nous a carrément dit que on s'enlignait vers une hausse de taxes le printemps prochain parce que si les règles du jeu changent pas, et ça m'étonnerait qu'elles changent dans la situation actuelle avec un gouvernement péquiste, nos taxes vont monter encore le printemps prochain. Puis tu sais, c'est qu'hier, regarde, on a fait une entrevue qui a duré une vingtaine de minutes avec un paquet de sujets, puis regarde, ça a pas été long, là, l'histoire des Nordiques, ça rebondit partout, mais il y a eu autre chose dans cette entrevue-là hier, là. Même RDS, ils n'ont parlé hier. T'as fini l'entrevue hier, puis tu dis, moi, ce que j'ai retenu, c'est que les Nordiques vont peut-être revenir en 2015, ben, mais l'histoire a fait le tour de la province en dedans d'une demi-heure. LCN s'était rendu, RDS a repris ça hier aussi, avec Philippe Quentin qui analysait tout ça, puis bon. Mais il y avait d'autres choses de plus important dans cette entrevue-là pour hier. Pour vrai, là. Faut se le dire, pour vrai, là. Et puis je pense que ça vaut la peine de revenir là-dessus, parce que c'est ça qui fait la news encore ce matin. C'est à la une du Journal de Québec, entre autres. Les taxes. C'est que là, pour bien comprendre la game avec les syndicats sur les régimes de retraite, là, c'est qu'il y a un déficit actuariel qui est estimé à 730 millions pour les régimes de retraite qu'on doit payer. Ça, c'est les retraites qu'on doit payer aux employés de la ville, OK? 730 millions. Et le maire veut que les employés paient au moins la moitié du déficit des régimes de retraite. Ça arrivera pas. Je vous le dis tout de suite à matin. Ça n'arrivera pas. Les syndicats ne reculeront pas. Et le PQ, qui a pas les couilles pour faire de prendre les décisions qui s'imposent, parce que le PQ est à coquiner avec les syndicats, vous le savez, depuis longtemps. Donc, ne fera rien pour régler cette situation-là. Donc, il y a une seule possibilité, là. Parce que la bombe, il va frapper le mur. Il est en train de le frapper le mur là-dessus. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on parle de ça au moins, là? Le mur, là, il est là, là. On le frappe là, là. Le mur syndical. Et il y a une solution pour la ville, c'est de vous faire payer, là, pour les régimes de retraite des employés. Est-ce que je dois m'attendre à une hausse de taxes municipales si jamais ça fonctionne pas, là? Est-ce que les taxes municipales vont devoir augmenter si jamais on doit renflouer les caisses de retraite? Ah, c'est inévitable. Non, c'est inévitable, là. Regardez, je peux bien tout former en ville, là, mais regardez, la vérité, là, puis c'est dans le rapport d'Amont, la vérité, c'est que c'est 1,2 milliard. La dette de la ville, c'est 1,5 milliard, mais à part de ça, vous avez fonds de pension à 1,2. Comment vous pensez qu'on va payer ça? Régis Labeaume est condamné à prendre position dans la prochaine campagne provinciale. Il n'y a plus le choix. Non, puis elle s'en vient, là, qu'elle soit en décembre ou au printemps, elle s'en vient, il y a quelques mois d'écart, elle s'en vient. C'est ça, la prochaine étape. Sinon, il n'y a rien qui va se passer, là. Qui est le parti qui va dire à Régis Labeaume, on va les changer, nous autres, les lois. Regarde, il y en a un actuellement qui le dit clairement, c'est la CAQ. La CAQ n'a aucune chance de prendre le pouvoir. Je veux pas être plate à matin, là, puis il y a des gens que j'aime beaucoup à la CAQ, là, je m'en cache pas, puis je partage certaines des idées de la CAQ, mais la CAQ n'a aucune chance de prendre le pouvoir à la prochaine élection, là. Aucune. C'est plate, là, mais c'est ça, là. Est-ce que Philippe Couillard et les libéraux pourraient offrir le même deal? Couillard et les libéraux? Ça, c'est le parti qui nous avait parlé de la réingénierie de l'État en 2003, ça? Oui, ceux-là même. Ah, OK, c'est ceux qui auraient pu faire quelque chose là-dessus pendant 10 ans? Ouais. Mais la politique étant ce qu'elle est, Régis Labeaume est le politicien le plus populaire au Québec. Mm-hmm. Régis Labeaume est capable de sortir du monde au fédéral et au provincial, puis de faire rentrer du monde au provincial et au fédéral. Régis Labeaume, ce qu'il serait capable de faire, par exemple, s'il décide de faire campagne avec Legault, il serait capable, dans la région de Québec, de faire élire 5-6 députés. Je pense que oui. Sauf que ça donnera pas le pouvoir à CAQ. Ça nous donnera rien, nous autres. Le problème est là. Tu viens de toucher le centre du problème. C'est pour ça qu'on est dans la marde. Oui. C'est que... On est dans la marde, tu dis? À peu près, là. On est dans la marde parce qu'il y aura pas de marche bleue anti-syndicale. Il y aura pas de marche bleue sur les fonds de retraite. Même si Régis Labeaume essaye d'organiser un coup d'éclat où le public est mis à contribution, ça n'aura jamais le consensus. Oui, mais c'est pas un nordique, puis c'est pas le hockey. La réalité, c'est qu'il faudrait que tantôt on appelle Mario Roy. On a son cerf, on va l'appeler. Mario organise une marche. Oui, mais... sur les caisses de retraite et la hausse possible des taxes, mais je comprends ce que tu dis. S'il est assez fou pour l'organiser, je vais le saluer, je vais l'encourager, je vais le plugger à tour de bras, mais la réalité, c'est que t'auras pas le rassemblement qu'il y a eu pour la construction d'un nouvel amphithéâtre et le retour des Nordiques. Puis c'est pas une question d'importance, c'est une question de d'intérêt. D'intérêt. Le hockey, c'est une religion. Ici, tu peux pas vraiment t'en sauver. D'une religion qui fait en sorte qu'on peut se ramasser main dans main à faire une entrevue avec Pierre-Carl Péladeau, se revirer de bord, parler à Bergy, puis le monde trippe, puis le monde capote. Ouais. Même qu'il y a eu une unanimité politique dans la région de Québec. Les libéraux, les caquistes-odéquistes, et les péquistes, tout le monde était prêt à pousser dans le même sens pour prendre de l'argent, bâtir un aréna, puis amener Nordique dedans après. Les fonds de retraite, c'est pas du tout la même game, là. Même si c'est plus important, même si c'est sur le compte de taxes, ce sera pas la même affaire. J'adore ma job. Pourquoi? Parce que quand on dit quelque chose, ça réagit automatiquement, vois-tu, sur live et sur les textos. Oui. Là, j'ai deux textos. Mario Roy qui dit non, merci. Salut, Mario. Ouais, et l'autre texto, c'est les syndicats qui me disent que le déficit actuariel n'est pas de 730 millions, mais de 514 millions dans les caisses de retraite. Bon. Ça, il y a pas... Puis ça, c'est vrai, là, il y a une mésentente entre la ville et les syndicats sur le réel déficit des caisses de retraite. Il y a une guerre de chiffres. Ben, c'est parce qu'il y a des prévisions là-dedans, puis des estimations, ça devient difficile. J'avais pris le chiffre du Journal de Québec et du maire dans cette histoire-là. Mais bref, deux dossiers réglés. Un dossier réglé, Mario Roy n'organisera pas de marche bleue pour le dossier des taxes à la ville. Curieusement, je suis pas surpris. Non, c'est ça. Mais bref, c'est ça la réalité. Et je pense qu'on est dans la merde, Denis. On est dans la merde et nos comptes de taxes vont continuer d'augmenter à Québec. Parce que là, on nous avait dit... Ah, tabarouette, j'aurais dû poser la question d'ailleurs hier là-bas. On y reposera. Il va sûrement revenir à un moment donné. Hausse de taxes, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire au-dessus de l'inflation? J'aurais dû poser la question hier parce que... Puis gars, je vais en poser ouvertement ce matin. Le maire, là, au bureau du maire, là, ça veut dire quoi, hausse de taxes? Allez-vous les hausser au-dessus de l'inflation? Parce qu'à la dernière campagne électorale, ce qu'on nous avait dit, c'est... Les hausses de taxes, ça va suivre l'inflation. C'est plus ça, là. Là, est-ce que la situation a changé? Est-ce que la situation va changer concernant ces hausses de taxes-là? Si jamais... Ce que je comprends entre les lignes de ce que le maire nous a dit hier, c'est oui, là. C'est qu'on va peut-être être obligé de... Il l'a pas dit comme ça, mais ce que je comprends, c'est qu'on va peut-être être obligé de hausser les taxes au-dessus de l'inflation, là. C'est ce qui s'en vient, probablement, là. Dans un dossier moins important, mais je pense qu'il intéresse les gens de Québec, parce que ça a déjà été notre carnaval de Québec en passant, là. Ouais. C'est triste, hein, quand tu connais un alcoolique qui est pas rendu à reconnaître son problème encore. Tu sais, quelqu'un qui commence sa journée, il prend une bière, puis finalement, il est rendu 10 heures du matin, il a passé à travers un six-pack. c'est une dose rendue l'après-midi. Puis finalement, Patrick Roy est en train de donner des coups à la baie vitrée contre Bruce Boudreau, puis il est passé à travers sa 24, tu sais. C'est triste, c'est un alcoolique qui est même pas prêt à reconnaître qu'il est alcoolique. Tu sais, t'es pas prêt de régler tes problèmes. C'est un peu... Non, non, j'ai pas de problème, tout est beau, mais c'est pas correct. De problème. Je suis même pas chaud après 24 bières, Alguero. Non, c'est parce que le carnaval se comporte un peu de la même façon. Il lance une guerre de chiffres dans les journaux de ce matin. Il arrive avec leur étude à eux autres qui disent que le carnaval a encore une belle visibilité internationale et que la couverture du carnaval est super positive. Ben oui, ils voient. C'est parce que si vous êtes pas rendu à reconnaître qu'il y a un problème au carnaval, je comprends les inquiétudes majeures que Régis Labeaume nous a partagées hier en entrevue. Hier. Pourtant, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un certain changement de mentalité au carnaval, mais on va peut-être pas assez loin. Ça, c'est un autre extrait de l'entrevue que vous avez oublié parce que ça a parlé des Nordiques. Ouais, OK. Ouais, je vous sens pas si enthousiaste que ça là, par rapport au nouveau président du carnaval. Je comprends que vous le connaissez pas, là, mais... Ben, je t'inquiète. On va vous dire bien franchement, je t'inquiète. Vous êtes inquiet encore pour le carnaval? Oui. Pour être bien honnête, je suis encore inquiet. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est pas assez proche du monde encore, c'est ben, ça? Ben, je la sens pas. Peut-être qu'il y a un virage puis qu'on le sait pas, là. Ouais. Mais moi, là, personnellement, je le sens pas, ce virage-là. Ah, c'est peut-être qu'ils vont me l'expliquer un jour, là, tu sais. La réaction du carnaval de ce matin donne raison à Régis Labeaume. Au lieu de sortir et de dire, hey, on a un Christi de problème au carnaval, ça fait quelques années que ça dure, puis on va donner un coup de barre. C'est pas ça qu'ils font. Ils arrivent avec leur étude à eux autres. Non, non, le carnaval, il y a de la visibilité, il est super populaire, ouais, il est super le fun. L'autre affaire, j'ai-tu compris un matin que le carnaval veut plus de subventions? J'ai-tu compris ça, là? Je pense que oui, moi. On a fait réagir hier le ministre Pascal Bérubé, là, le ministre du Tourisme, qui dit au carnaval, regardez, si vous voulez plus de subventions, vous avez besoin d'avoir plus de succès. Donc, plus de monde, plus d'affluence, égale plus de subventions. Donc, ce que je comprends, c'est que le carnaval veut plus de subventions. Je m'excuse, là, mais de prendre le palais du bonhomme, de l'enlever des plaines, puis de le remettre devant le Parlement comme avant, là, ça prend pas de subvention, ça, là. De prendre les sculptures sur neige qui sont ces plaines, puis d'aller remettre sur Grande Allée ou dans le coin de la rue Sainte-Thérèse ou ailleurs, là, c'est-tu moi ou ça prend pas de subvention, ça, là? De ramener les duchesses, puis de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de l'aide les filles du FEMEN qui sont allées à l'Assemblée nationale cette semaine, ça prend pas une scène non plus. D'arrêter de cacher le carnaval sur les plaines d'Abraham, là, avec des glissades, puis on se complique pas trop à vie, là. D'arrêter de faire ça, ça demande pas de subvention, là. Ça, là, à matin, là, de voir que le carnaval demande des subventions, j'en reviens pas, Denis, là. Bon, là, le ministre leur répond, puis il dit, bon, mais ça, c'est une autre affaire que je comprends pas. Plus un événement marche, plus on subventionne, je comprends pas ça, là. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'à la base, ils ont pas besoin de plus de subventions, le carnaval. Ça vous tente-tu, vous autres, de subventionner plus le carnaval? Pas moi. Moi, donner de la subvention à quelque chose qui ne performe pas, qui se préoccupe pas de la population et qui se défend encore disant « Non, non, on n'a pas de problème au carnaval. Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait une scène de plus? » Faites vos devoirs, là. Déménager le palais du bonhomme, là, ça coûte pas plus cher, ça, là. C'est n'importe quoi, ça, là. C'est n'importe quoi. Il est 8h03 à Radio X. Ouais. Mais on a... Oui, il est un peu, là. Tu es en train de me couper, toi, là. T'allais où, là? Non, c'est parce que je voulais juste vous dire qu'on a une alternative à la mairie de Québec, là. Oui. Denis Haché. Pour vrai, là? Ben c'est ça, c'est que là on avait juste Labeaume comme candidat là. Mm-hmm. Je comprends qu'il va être élu, mais si jamais vous voulez lancer un message à Régis Labeaume, tu sais, c'est important d'avoir des bons candidats de l'opposition. On a Denis Haché qui est l'alternative à Régis Labeaume, Denis Haché qui a installé ses pancartes électorales à quelques endroits. Entre autres, il y a un endroit là dans le parc Hollande là, au coin chemin Sainte-Foy et Saint-Sacrement, là, Denis Haché qui s'était déjà présenté à la mairie. Là. On a donné beaucoup de temps d'antenne à David Lemelin et aux gens de Démocratie Québec. Malheureusement, ils ne nous ont pas impressionnés. Ils l'ont pas pris. Fait que, donc, on devra tourner nos horizons vers une autre alternative. Ouais, Denis Haché qui travaille comme préposé au stationnement et qui a déjà travaillé au Walk and Roll à Québec, le célèbre restaurant asiatique à Québec, là. Et parmi ses engagements, ben il y a l'aide financière aux congrégations catholiques, les Sœurs Bleues, les Sœurs Grises et Saint-Vincent-de-Paul et les protestants aussi de la ville de Québec. Je vous lis textuellement ce qu'il y a sur son site Internet. C'est intéressant, son programme. Il dit que entre autres, il veut donner 20 jours de journée de maladie et 20 jours de vacances, ce qui fait 40 jours de plus que ce que les employés de la ville ont déjà. Là. Construire des réservoirs d'eau potable et creuser des puits artésiens. Oui, oui. Aide financière aux citoyens qui ont un revenu de moins de 20 000 $ par année. Genre un chèque de 250 $ par mois, là. pour les gens qui gagnent 20 000 $ de moins, là. Est-ce que tu veux que je te parle du projet de loi anti-avare? Vas-y, parce que ça m'intéresse. Puis tu sais, des fois, ouais, on veut lancer un message, tu sais, à un politicien populaire et on veut, tu sais, on veut y mettre un petit peu d'opposition. Actuellement, on n'a personne d'autre que Denis Haché. Alors, je t'explique comment fonctionne le projet de loi anti-avare de Denis Haché. Oui. Puis je te lis textuel, je rajoute pas une virgule, OK? OK. Alors, ceux qui sont avares de partager des biens ou argent envers les prochains recevront une contravention punitive de 125 $ pour ne pas avoir partagé envers le prochain qui avait demandé de partager. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. C'est une alternative, le fun, je trouve, à Équipe La Bombe. J'aime son look. Un petit look Paul Leduc. Oui. Les frères Leduc qui faisaient de la lutte à l'époque. J'aime ça. J'aime ça ce que je vois. Ça me fait penser, puis tu sais, comme j'aime le Maine et les États-Unis. Et, oui. Ça me fait penser un peu à des pancartes électorales à Jackman. Tu sais, des fois, tu te promènes le tour de la route. Parce qu'il a commencé à poser sa pancarte, là, ou ses pancartes. Ben, là, c'est ça. Puis il y en a une avec une étoile de shérif. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Mais c'est la seule alternative, donc, actuellement, à Régis Labeaume. Denis Haché s'était présenté en 2007 et Infoman, avec sa voix fatigante, avait fait un reportage sur le sujet. Puis en passant, là, Denis Haché, là, il y a 4 candidats actuellement à la mairie, là. Labeaume, Lemelin, Claude Gagnon et Denis Haché sur le site du DGE, là. On retourne en 2007. Voici un extrait d'Infoman. Puis il y a le candidat Denis Haché, plongeur de profession au restaurant Walk and Roll. Est-ce que ça t'a aidé à plonger en politique? Ouais, je pense que ça m'a aidé. Ouais, je pense que ça m'a aidé de travailler au restaurant Walk and Roll. J'aime bien ça. Ouais. Ouais. Sa priorité, construire un tunnel entre Québec et Lévis. Ça ferait 2 milliards, un chiffre de 2 milliards environ pour creuser un tunnel, pour faire créer un tunnel entre Québec et Lévis. On garderait aussi le traversier, pour pas, soit pour les touristes ou tout le monde qui aime ça, là, se balader en bateau. Construire un réservoir d'eau. De environ 350 tonnes de litres d'eau pour tous les citoyens de l'eau potable. Si un c'est pas assez, on va en faire deux. Le gel du salaire des policiers. Ceux qui sont des bûcherons ou des charpentiers, c'est vraiment un travail qui demande beaucoup de capacité et de force pour faire ce travail-là, tandis qu'un policier se trouve être assis dans sa voiture la plupart du temps. Alors, c'est comme difficile de augmenter un salaire à ces gens-là. Et ramener les Nordiques à Québec. Moi aussi, j'étais habitué à voir ça, les Nordiques, puis on les voit plus, là. Un jour, on ouvre la télévision, puis on les voit plus, franchement. Faudrait les ramener de nouveau à Québec.